Tu veux regarder l'enfant quand il sourit, et le vieillard blessé qui va finir sa vie. Tu comprendras, mon frère, pourquoi je ne peux pas m'en aller à la guerre pour jouer aux soldats. Si tu veux écouter l'appel du bonheur et l'oiseau merveilleux qui fait battre les cœurs, tu comprendras, mon frère, que ce n'est pas la peur qui m'empêche de mettre l'uniforme des chasseurs. Car si un jour tu rencontres un mendiant, partage sa misère et donne-le un moment. Tu comprendras, mon frère, pourquoi je ne crois pas aux richesses précaires qu'amassent tous nos rois. Si tu vois l'enfant que le mât égorgé, lui qui riait souvent, qui n'avait pas d'idée, tu vomiras, ami, l'orgueil des présidents qui, au nom d'un pays, massacrent les innocents. Si tu vois, mon frère, les yeux du condamné, celui qui, pour leur plaire, tu devras fusiller, tournera, mon gars, le bout de ton fusil vers ceux qui se font joie en tuant les petits. Si tu sais, mon frère, contempler l'océan qui agrippe la terre, qui fait l'amour au vent, tu gueuleras de rage contre les hommes fous qui bétonnent les plages pour gagner quelques sous. Si tu vois le soleil se coucher sur l'étang, le visage de la vieille qui caresse l'enfant, tu jetteras, ami, ton casque et ton épée pour parcourir la terre heureux et sans souliers. Si tu sais faire vibrer la fille que tu couches, boire le doux baiser qui dort sur sa bouche, ton uniforme, ami, tu le déchireras pour enfanter la vie dans le creux de ses bras. Et puis quand viendra l'heure de t'en aller plus loin, comme on cueille une fleur, la mort prendra ta main. Elle posera sa bouche sur ton oreiller. C'est quand elle te touche, tu deviens nouveau-né.